apprend rien. Toujours la même histoire. Il rentre tard le soir, etc. Bref, elles ont toutes son numéro. On a toutes son numéro. La suite, c'est to the left, to the left. Oh oui, girl. To the left, to the left. J'ai relevé mes cheveux, mis du noir sous mes yeux. Je me suis attardée sur mes lèvres. J'ai bouclé les valises et posé les clés près de l'entrée, là où tu sais. N'est pas la peine de me regarder ainsi. N'importe quoi, monsieur Mimine. À plus tard. Ciao.